remercie beaucoup Luc Frès de ces mots trop élogieux. C'est très dur de parler en dernier dans un colloque parce qu'en fait tout a été dit et on se sent non plus sur un sommet mais on voudrait écraser par tous les rocs qui vous sont tombés dessus. Je vais donc m'efforcer d'élaguer, ayant le robot présent à l'esprit, ce carton d'invitation de Robert de Montesquieu qu'on nous a montré aujourd'hui, où il mettait l'heure du train de départ et avec moins de courtoisie l'heure du train de retour à Paris. Je sais que nous avons tous présents, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être versaillais, l'heure du train de retour. Je vous garantis, j'y penserai aussi. Pas trop. Mon sujet, c'est de montrer comment il y a, chez Proust, un enfer et un paradis cachés qui sont justement Versailles. Il y avait d'abord un Versailles conventionnel et littéraire, conventionnel pour Proust, je ne veux pas dire conventionnel pour ceux qui nous ont parlé de Régnier ou de Montesquieu, bien sûr, et on aurait pu également parler de Barrès, bien entendu, évidemment. Ce Versailles en automne était un des grands clichés de l'époque, que d'ailleurs Proust reproduit intégralement dans ses rêveries couleurs du temps, des plaisirs et des jours. Versailles, grand nom rouillé et doux, royal cimetière de feuillage, de vastes eaux et de marbre. Voilà une sorte de dictionnaire des idées reçues de la littérature sur Versailles, qui renvoie d'ailleurs à un thème d'époque encore plus important, c'est celui de la ville morte. Bien sûr, Versailles est à la mode parce qu'on la voit comme une ville morte, mais on voit aussi Bruges, la morte, sous la plume de Rodenbach, qui donnera le bel opéra de Korngold, d'ailleurs, ou encore Venise, évidemment, sur lequel tout le monde écrit, et notamment Barrès encore. Il n'est question partout que de mélancolie, finalement, de fin des temps, de fin du monde, de fin du siècle. Et d'ailleurs, la peinture n'est pas étrangère à cela, puisqu'on trouve là le nom d'un grand ami de Proust, modèle d'Elstir, qui est Helleu, qui expose au Champ de Mars en 1894, je crois, moi je suis en 1897, des grands panneaux décoratifs sous le thème de Versailles en automne. Le même Helleu va offrir à Proust en 1908 un tableau qui s'appelle Automne versaillais, qui a été longtemps dans la famille de Proust, et que Proust d'ailleurs fait une comédie pour ne pas accepter, pour rendre, pour payer, et finit par l'accepter tout de même, il ne peut pas faire autrement. Et alors ce tableau était au musée d'Orsay, qui dans sa sagesse, plutôt que de le donner au musée de Versailles, l'a confié au musée de Brest, permettant ainsi aux Bretons à Versailles, comme d'Astérix, de montrer le tableau. Donc, la grande question est finalement, Proust a-t-il été amené à aimer Versailles par les auteurs qu'il cite, Saint-Simon, Barrès, Régnier, Montesquieu, ou bien a-t-il trouvé chez eux une confirmation d'un goût personnel? Et là, on trouve une autre idée. Versailles est extrêmement présent dans la correspondance de Proust. Il faut des journées pour dépouiller toutes les occurrences, travail d'ailleurs pas très utile, les occurrences du nom de Versailles dans les lettres de Proust. Il en parle sans arrêt, il y va très souvent, il en rêve encore plus, car chez Proust, les voyages avortés sont encore plus nombreux que les voyages réalisés, évidemment. Et puis, il y a une fièvre automnale, il veut aller à Versailles en automne, c'est un vieux souvenir de jeunesse et de mode, mais aussi au printemps. C'est-à-dire vers mai, juin, il veut également aller à Versailles au printemps pour des raisons inverses. Il y a un nombreux cercle de relations, d'ailleurs, des personnages peu connus de la comédie proustienne, comme Constantin Ullmann, par exemple, René Péter, bien sûr, dont nous reparlerons, les Madrazo, alliés aux Anne, Raymond de Madrazo, marié à Marianne, une maison près du château. En revanche, il y a un élément tout à fait absent des relations de Proust, c'est la noblesse locale. Je suppose qu'elle existe, cette noblesse versaillaise, j'en suis même sûr, mais Proust n'en parle pas du tout. Pas de Guermantes versaillais pour lui. Et il y a, bien sûr, l'idée pour Proust que Versailles est une ville morte, mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est aussi une ville ressuscitée. C'est ce qu'il dit dans une annotation manuscrite au Plaisir et les Jours. J'ai aucun mérite à citer, contrairement à Pierra, parce qu'elle est publiée dans l'édition de la Pléiade des Plaisirs et les Jours. Il a cité Montesquieu, il a cité Barrès, il a cité Régnier, il a cité Robert Dumière, et il ajoute « touchants hommages » et qui, plus sûrement que les plus nobles paraphrases, iront au cœur de la ville morte et ressuscitée. Donc pour lui, c'est aussi une ville vivante. Il va dire souvent chez Montesquieu, qui donne des fêtes, et il va, son oncle y séjourne, il y va parfois, ses cousins Nathan y sont aussi, et il y va également. Il y emmène Anatole France, et d'ailleurs il prétend dans une lettre ultérieure à Albert Damias, Albert Damias lui a faussé, n'est pas venu à l'heure à un rendez-vous, et Proust lui répond dire que Anatole France a attendu 8 jours en remettant sans cesse son voyage pour m'accompagner à Versailles autrefois, et voilà ce que vous faites, vous, qui n'êtes rien. Et puis, il y a également, il envisage de séjourner avec sa mère, sa mère, il va d'ailleurs un mois après sa grande opération, le fibrome en 1900, elle s'y repose également. Et ce Versailles, comme on l'a dit ce matin, où le passé est double, et là c'est un peu de la flagornerie, il est double, il a 2 siècles et il a 3 ans, ça c'est à Montesquieu, parce qu'il y a 3 ans que Montesquieu habite 55 avenue de Paris, qui est le siège actuellement, je crois, de l'Université de Versailles, c'est-à-dire du pavillon Montesquieu, vous ne voyez pas grand-chose. Il n'a pas de chance d'ailleurs Montesquieu, parce qu'également en 98, Boulard-Maurice Barrès, le pavillon a également été rasé. Il reste tout de même, je vous signale, le rez-de-chaussée du musée Clémenceau, rue de Franklin à Paris, où Montesquieu a habité avant que Clémenceau n'y habite à son tour. Et bien souvent, Proust rendra ainsi hommage aussi au tableau des Leudes qu'il associe à Versailles. Et bien entendu aussi, Versailles, c'est aussi l'asthme, car affronter toute cette verdure, c'est affronter aussi la crise d'asthme. Et puis, c'est un autre aspect. C'est sur lequel nous reviendrons. Il y a un Versailles Sodome sur lequel je reparlerai, où il tige des intrigues sentimentales compliquées, notamment dans sa liaison avec Bertrand de Fénelon. Il envoie à Versailles Fénelon avec son ami Antoine Bibesco. Il y a aussi Constantin Hulman qui a les mêmes goûts. Et il y a des thés au réservoir avec ces messieurs. Et puis, il y a, bien entendu, l'hôtel des réservoirs. Alors cet hôtel des réservoirs est au cœur de la vie de Proust, comme au cœur d'ailleurs des villégiatures de la bonne société parisienne. L'immeuble existe toujours. Les collaborateurs de la maison me disaient tout à l'heure que c'est maintenant un immeuble de fonction, mais qu'on peut à l'arrière, si aux couleurs d'aller voir l'école qui se trouve au rez-de-chaussée ou un autre établissement au premier étage, on peut apercevoir les anciennes pièces de réception, au moins leur volume et une partie de la décoration qui est classée. Et alors, cet hôtel des réservoirs, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je voudrais évoquer le dernier voyage de Proust à Versailles. Proust nous surprendra toujours. Le dernier voyage qu'il a fait, il l'a fait en voiture, en 18, printemps 18, avec le général Zankevitch, commandant des troupes russes en France. Vous ne l'auriez pas deviné si on ne vous le disait pas. Ce pauvre général Zankevitch, d'ailleurs, avait d'abord été commandant d'une brigade impériale sur le front, et les Russes avaient envoyé des soldats sur le front ouest pour nous soutenir. Et puis, arrive la révolution de février. À ce moment-là, le général Zankevitch devient représentant du gouvernement provisoire à Paris. Et puis, plus de gouvernement provisoire en octobre 17. Et à ce moment-là, le général Zankevitch revient au commandement de ce qui reste de troupes russes en France. Et finalement, il va partir pour Arkhangelsk, où il y a encore un peu de Russes blancs qui se battent avec le secours des Français et des Anglais, c'est-à-dire qu'ils sont sûrs de la défaite. Et ça arrive, effectivement, le pauvre général est fusillé par ses soldats à la fin de 1918. Donc c'est avec ce condamné à mort que Proust se rend en voiture. On imagine ce général, c'était un personnage extrêmement massif qui ressemblait un peu à Staline, avec une énorme moustache, qui épice la tête évidemment, et on se demande s'ils ont pu se trouver à se dire pendant le voyage. Proust l'avait connu grâce à Madame Jekiewicz. Je voudrais maintenant dire quelques mots de l'automne 1906 à Versailles, plus particulièrement. D'août à décembre 1906, Proust fait son plus long séjour continu en dehors de Paris et son plus long séjour dans le même hôtel à la suite. C'est un séjour qui est partiellement un mystère pour le, ou pourquoi pas la, biographe, parce que ce qu'on en sait compense à peine ce qu'on en ignore. Ce qu'on en sait est attesté par quelques lettres, et bien entendu, des lettres, on peut toujours en trouver d'autres, et on l'espère vivement. Et puis, par ce récit que nous avons publié récemment, qui était apporté miraculeusement par la petite fille de René Péter, des souvenirs de René Péter, ami d'enfance de Proust, fils d'un professeur de médecine comme Proust, né un an après lui, écrivain. Il avait triomphé au début du XXe siècle avec une pièce qui s'appelle Chiffon. Les cinéphiles ont peut-être vu autrefois Le mariage de Chiffon de Claude Autant-Lara, qui en est tiré, et de beaucoup de succès, le boulevard, maintenant complètement oublié, dont une pièce pas mauvaise du tout, qu'il écrit avec Feydeau, témoin à son mariage, et qui s'appelle « Je ne trompe pas mon mari ». Donc, une pièce assez drôle, en villégiature, à Vichy, je crois. Donc, Proust est quelqu'un qui cherche un endroit à la fois pour échapper au déménagement, pour chercher un logement, parce qu'il doit déménager à Paris. Et où va-t-on pour chercher un appartement à Paris quand on est Proust? On va à Versailles, évidemment. Et on donne des ordres, des consignes, on envoie des émissaires un peu partout, visiter des appartements dans les beaux quartiers, des appartements qu'on est toujours sur le point de prendre, tout en sachant très bien qu'on ne les prendra pas. Proust est quelqu'un qui ne peut pas rester seul. Donc il vient avec un peu de personnel, sa vieille bonne Félicité Fitou, le principal modèle de Françoise, peut-être un valet de chambre de temps en temps. Il est en face de la chambre de Félicité, et comme la sonnette c'est pénible à entendre, il a une sorte de grand bâton, et quand il a besoin d'aide, il donne des coups dans la porte, trois coups, et Félicité sait qu'elle doit venir. Vous imaginez donc la scène. Donc, ce jeune René Péter, très beau jeune homme, du type de ceux qui aiment bien Proust, qui n'est pas du tout, je précise, attiré par les hommes, mais justement c'est ce qu'aime Proust aussi, les hommes qui aiment les femmes, donc ce sera le compagnon idéal. On se demande d'ailleurs comment René Péter a pu se prêter à ce régime infernal qui a consisté à recevoir des billets tous les jours pour le convoquer à des heures impossibles dans la nuit, et en le sommant de venir de toute urgence vers minuit ou 1h du matin dans sa chambre. Et donc, il se trouve que Proust est probablement amoureux de Péter, et il a surtout besoin, dans ce type de relation, de quelqu'un sur qui il peut exercer une domination, comme dit la comtesse de Noailles, une influence et d'une présence amicale. L'autre, on ne saura jamais s'il le savait, s'il ne savait pas, s'il se savait aimé. En tout cas, il a sûrement la plus grande admiration pour Proust. Et puis, il y a un trait de Proust qu'on ne soulignera jamais assez, c'est sa drôlerie. C'est-à-dire, ce que nous dit Péter, c'est que Proust plaisantait sans cesse de tout. Il n'était jamais sérieux, bon, ça a patienté les gens, parce que les gens n'aimaient pas qu'on plaisante sans arrêt. Les Français sont des gens sérieux, les Versaillais sans doute aussi, et donc ça ne leur plaisait pas toujours, cette drôlerie permanente, cette ironie constante. Le duc de Vermont m'avait dit un jour, « Monsieur, si vous croyez qu'on a invité Proust à cause de son talent, vous vous trompez, monsieur, on l'invitait parce que c'était avec la comtesse de Noailles la personne la plus drôle de Paris. » Voilà donc la personne la plus drôle de Paris, transportée à Versailles, où il reconstitue une petite cour. Comme toujours, on s'aperçoit que très vite, Proust arrive à se faire entourer d'un certain nombre de gens qu'il convoque aux bourgeois de Paris ou bien qu'il trouve sur place. Quant à ses promenades, il dit justement qu'il ne sort pas du tout, qu'il a passé tout son séjour enfermé. Mais il ne faut pas le croire. René Péter nous apprend qu'au contraire, il a fait des promenades avec lui sur la terrasse du parc, mais ça fait mieux de dire qu'on est au fond de son lit à souffrir que de dire qu'on va se balader sur la terrasse du château. Et Péter décrit même des scènes incroyables. Un jour, il croise, Péter a introduit, présenté à Proust un de ses amis qui est un mauvais plaisant. Et ce mauvais plaisant avise une dame qui pousse un bébé, et lui dit « Oh, madame, comme cet enfant est laid, Et il ajoute, mais rassurez-vous, il ne vivra pas. Et alors, Proust, indigné, a dit, mais qu'est-ce que c'est cet homme? Je ne veux plus le voir, je ne veux plus sortir avec lui, allons-nous-en, chassez-le, etc. Ne supportant pas qu'on dise des choses désagréables à une mère, lui qui vient de perdre la sienne. De même que Peter Badger lui a prêté David Copperfield, Proust lui rend le livre, il dit, c'est épouvantable ce livre où ce petit garçon se sent fier après la mort de sa mère. C'est un sentiment horrible. Et je n'aime pas votre Dickens, dit-il. Donc, comment s'occupe-t-il pendant ces 5 mois? Il y a quelques visites, il y a ses lectures, mais la grande question, c'est le travail. Est-ce qu'il écrit déjà? En général, les biographes pensent qu'entre 1905 et 1908, il ne s'est pas passé grand-chose, que Proust n'arrive pas à écrire à cause de son deuil. Peter soutient, au contraire, qu'il travaille. Et félicite Fitot, lui a dit, oui, monsieur a travaillé toute la journée, un jour. Alors, a-t-il travaillé? Qu'a-t-il écrit? Nous ne savons pas, si du moins nous devons en croire Peter. Il y a au moins un projet de pièce que tout le monde connaît par une lettre de Ronald Lohan, que René Peter appelle le sadique, et qui est l'histoire que ne raconte pas Peter, mais que raconte Rinaldo, d'un mari qui insulte sa femme en compagnie de prostituées. Elle le surprend, elle rompt, et il finit par se tuer. Cette pièce, qui est plutôt un fantasme, évoque à mes yeux moins la scène future de Combray, Montjouvain, Mme Vinteuil, que les scènes passées des Plaisirs et les Jours, où on voit des jeunes filles se tuer pour avoir été surprises par leur mère en accomplissant l'acte sexuel. Donc, il y a eu ce projet de pièce. Pourquoi ce projet de pièce? C'est que René Peter n'est pas auteur de roman, il est auteur de théâtre. Alors, c'est donc un moyen d'écrire une pièce et un moyen aussi, probablement, c'est un truc bien connu des étudiants, pour séduire une jeune fille, on lui propose de faire un thème latin. Donc là, c'est un peu la même chose. Et puis, ça n'a pas marché, la pièce n'a pas été écrite. Alors, reste de tout cela dans l'œuvre, qu'en reste-t-il? Eh bien, il reste surtout, me semble-t-il, l'hôtel des réservoirs, que vous trouvez dans la description de 4 pages au moins, que je n'ai pas voulu lire en entier, de l'hôtel de Flandre à Doncières, quand le narrateur va d'un côté de Guermande faire son service militaire, ou plutôt assister au service militaire de Saint-Loup, c'est au tome 2, page 382 et suivant, de l'ancien d'édition de la Pléiade. Alors, cet hôtel des réservoirs apparaît au moins 2 fois chez Proust. Voici d'abord ses premières impressions dans une lettre à Madame Strauss. « J'ai au réservoir un appartement immense et admirable, mais tellement triste, noir et glacé, avec des tableaux, des tentures et des psychés. C'est un appartement en genre historique, de ces endroits où le guide vous dit que c'est là que Charles IX est mort. » On jette un regard furtif en se dépêchant d'en sortir et de retrouver dehors la lumière, la chaleur et le bon présent. Mais quand il faut seulement ne pas ressortir, mais accomplir cette suprême acceptation, s'y coucher, c'est à mourir. Je ne sais pas comment cela a pu être orienté pour que jamais le soleil n'y pénètre à aucune heure. J'ai demandé si les cheminées ne fumaient pas. Nous sommes tout de même en août, n'est-ce pas? Et on m'a affirmé que non, ce qui est jésuitiquement vrai. En effet, quand on allume du feu, la cheminée, on l'allume, ne fume pas, mais à la même seconde, toutes les autres se mettent à fumer avec une telle violence que l'appartement n'est plus qu'un nuage. Je vous pardonne de vous décrire des choses si ennuyeuses, et du reste, je ne veux pas me fatiguer car j'ai une fièvre de cheval. Donc, l'appartement, en apparence, est absolument sinistre, comme toutes les chambres où Proust arrive, bien sûr. Mais dans un archage d'un perdu, c'est très différent. Le narrateur a d'abord craint d'aller coucher seul, au point que Saint-Loup l'a hébergé dans sa chambre à la première nuit. Et puis, il ajoute, « Mais je m'étais trompé. Je n'ai pas le temps d'être triste, car je ne suis pas un instant seul. C'est qu'il restait du palais ancien, c'était l'hôtel de la Pompadour, un excédent de luxe, inutilisable dans un hôtel moderne et qui, détaché de toute affectation pratique, avait pris dans ce désœuvrement une sorte de vie. » Et alors là-dessus, Proust décrit toute la géographie d'hôtel, les couloirs, les vestibules, les annexes, les recoins, les salles de bain, etc., mais en montrant à chaque fois une vie intense. une vie qui l'occupe et qui le rend joyeux. Et il y a là comme une explication, finalement, en quatre pages, qui sont peu connues, finalement, on passe là-dessus, on ne voit pas trop, du bonheur que Proust a pu éprouver à l'hôtel des réservoirs. Et alors maintenant, après ce côté finalement joyeux de son séjour à Versailles, au point qu'il n'arrive plus à s'en aller, il va partir le 28 décembre, je crois, parce que le 1er janvier, il doit même prendre possession de l'appartement qu'il a toujours voulu prendre, celui du boulevard Haussmann, parce que ses parents l'avaient connu, parce que son oncle vivait là, etc. Et donc, il faut tout de même qu'il y aille. Alors, c'est amusant, parce que René Peter veut s'en aller aussi, il y en a un peu assez à la longue, ses relations compliquées, et il n'ose pas dire à Proust qu'il veut partir à la fin décembre, et Proust n'ose pas lui dire qu'il veut le quitter fin décembre. Et tout finit, comme vous le devinez, par s'arranger. Alors, il y a aussi, de Versailles, me semble-t-il, un petit côté ténébreux. En tout cas, un petit côté Sodome. C'est pas forcément ténébreux, Sodome. On peut trouver ça très gai, au contraire. Proust veut toujours y emmener ses jeunes amis. C'est assez frappant. Dès qu'il connaît un nouveau brillant jeune homme, et Dieu sait s'il en a connu, mille lettrés, comme chez Mozart, par exemple, pour prendre quelques derniers, mettons, on commence à Agathe 14, Louis Gauthier Vignal, ou encore Henri Bardac, ou encore Paul Morand, une des premières propositions qu'il leur fait, c'est de les emmener à Versailles, d'aller avec eux à Versailles, comme dans une sorte de pèlerinage amoureux. On peut penser qu'en revanche, le général Zankevitch, c'était pas tout à fait ça. Et ensuite, il situe surtout une sorte de royaume de la jalousie et du sexe à Versailles. Par exemple, c'est Saint-Loup, a des relations sexuelles avec Rachel dans une villa près de Versailles, et on le sait parce qu'on entend les cris de plaisir que pousse sa maîtresse, ce qui a du génie évidemment un public pas très ouvert à ce genre de choses, on peut le penser. Et puis d'autre part, Albertine elle-même sera envoyée par le narrateur à Versailles pour la distraire sous la garde d'un chauffeur, un mécanicien un peu équivoque, qui a un côté christique, d'après le texte, et qui est un charmant mécanicien apostolique, comme dit bizarrement Proust, et donc est chargé de surveiller Albertine. Mais patatras, il ne la surveille pas du tout, car il semble qu'elle s'absente pendant 7 heures de temps, loin du chauffeur, qu'elle revoit simplement le soir pour qu'il la ramène à Paris. Et en même temps, elle ne déjeune pas à l'endroit prévu, elle devait déjeuner au réservoir, elle déjeune au Grand Vatel. C'est de la part de Proust un effort immense à pied, c'est au bout de la rue des réservoirs, au lieu d'être dans l'hôtel, mais pour Albertine, ce n'était pas très loin, il faut dire, passer de l'un à l'autre. Et alors, ça c'est la première version, Proust découvre cette horrible tromperie, et puis dans une deuxième version, deux jours plus tard, le chauffeur qui s'est reconcerté avec Albertine s'aperçoit qu'il a lourdement gaffé et dit en effet, on l'a cité ce matin, qu'elle n'avait fait que visiter des monuments, un guide à la main. Et on ne saura jamais la vérité. D'autant qu'André, puisque les relations chez Proust sont toujours triangulaires, il y a le narrateur, le chauffeur et Albertine, il y a le narrateur Albertine et André, une jeune fille donc, révèle qu'Albertine avait des relations homosexuelles, lesbiennes, homosexuelles, vous ne devinerez pas où, enfin sauf si vous connaissez le texte, c'est pas très confortable, c'est dans une grotte du Petit Trianon. Page 188 d'Albertine disparue, c'est de ces recoins tout à coup bizarres de l'œuvre de Proust. Pourquoi une grotte du Petit Trianon? Toute évidence, encore un fantasme. Peut-être qu'il aurait été content lui-même, je ne sais pas, d'aller là. Et puis, il y a même l'immoralité se lit même sur les tableaux. Je ne sais pas si on a évoqué deux portraits. Proust dit, assez bizarrement, dans La Prisonnière, qu'il veut emmener Albertine voir. C'est pour illustrer la différence qu'il y a entre la biographie et l'œuvre, ou le fait que dans des œuvres qui décrivent des crimes, il y a quelque chose de caché dans la biographie, ou qu'il y a bien des biographies criminelles et on peut écrire des ouvrages vertueux. Enfin bref, c'est contre Sainte-Beuve. Il veut emmener Albertine voir au musée de Versailles deux portraits qui se font vis-à-vis, dit-il, celui de Laclos et celui de Madame de Genlis, qui se font face à face. Alors, Laclos, pour Proust, c'est un auteur qui a écrit un des livres les plus immoraux qui existent, mais qui a été bon père, bon époux, père de famille, tout ce qu'on voudra, la vertu même. Et Madame de Genlis, qui a écrit des traités de morale, l'éducation des enfants sur la vertu, a mené une vie de bâton de chaise, a été la maîtresse de Louis-Philippe, a voulu écarter les enfants de Louis-Philippe de leur mère, et a commis un certain nombre de crimes de ce genre. Et donc, on a les deux visages qui respirent tous deux la vertu, mais avec des réalités très différentes. C'est donc un symbole du personnage proustien, la différence entre l'apparence et la réalité, entre le bien et le mal. Alors, nous ne savons pas très bien où sont ces tableaux. Le conservateur qui était là ce matin nous a dit qu'il chercherait. On voit plus leur production que la réalité, finalement. Il y a lieu de penser que c'est quelque part dans la Tique Chimay, par exemple, l'endroit où on a mis les peintures qui n'étaient pas des scènes de bataille, mais tout de même, de la fin 18e, début 19e, ces tableaux, on devrait pouvoir les retrouver. Ils sont en tout cas photographiés un peu partout. Donc, je n'ai bien entendu pas parlé de Saint-Simon, qui a beaucoup marqué Proust, mais parce que c'est des formes bien traitées aujourd'hui, et même presque plusieurs fois. Il y a donc, en somme, un Versailles à la mode, qui est un Versailles mourant. Il y a un Versailles qui ressuscite, grâce en effet à Pierre de Nayac, que Proust connaissait très bien, et dont les travaux étaient suivis par lui. Il faut ajouter que Proust avait une autre source sur Versailles, au moins, c'est les articles de Le Nôtre, qu'il aimait beaucoup, et qui paraissaient dans Le Figaro et d'autres quotidiens, qui seront recueillis dans le beau volume qui s'appelle « Versailles au temps des rois, 33 histoires inconnues sur Versailles », ou 36. Et c'est aussi ici une autre de ses sources, plus la monographie sur Versailles de la collection des villes d'art de chez Laurent, qui est parue vers 1910. Donc, entre le passé et la modernité, puisque c'est aussi à Versailles qu'Albertine et le narrateur aperçoivent un avion, un des premiers avions qu'ils aient vu. Cet avion, d'ailleurs, est lui-même ambigu, parce que l'avion de l'Albertine, c'est pour Proust aussi l'avion qui a tué Agostinelli. C'est donc à la fois le symbole de l'avenir et de la modernité, et le symbole de la mort et de l'amour défunt. C'est donc une assez belle idée que tout cela se passe à Versailles. Et donc, contrairement à Barrès, qui médite sur Versailles au moment des funérailles de Gounod et ne voit que Requiem dans cette ville, Proust y voit, je crois, une sorte de mélange de paradis et d'enfer, comme s'il pouvait lui adresser la phrase que Bossuet adresse à la dépouille du prince de Condé, « Je ne veux rien voir en vous de ce que la mort y efface ».